Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour l'invitation de présenter ici les résultats de notre recherche sur la distribution des lustres métalliques dans l'Empire à l'époque moderne. Comme nul autre souverain, Louis XIV mettait les médailles au service de la propagation de ses gestes et de sa gloire, dont le premier témoin fut Claude François Ménestrier. Il en résultait une narration en 300 médailles environ qui avait pour but de justifier la destination Louis le Grand et qui fut, pour que ce récit fût bien compris, systématiquement expliqué et divulgué sous forme de très beaux livres Ère Pyrénées. Voici nos médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand. D'innombrables collectionneurs des médailles ainsi que de lecteurs et de bibliophiles se sont procurés de suites entières ou presque des médailles, de pièces individuelles, mais aussi de ces livres précieux. Le but de notre contribution est audacieux, et simple en même temps. Nous tentons de laisser le qualificatif innombrable derrière nous et essayons de préciser autant que possible la mesure de la divulgation de l'histoire métallique dans l'Empire. Qui collectionnait les suites? Comment furent-elles acquises et transmises? Qui possédait les livres? Y avait-il une réception, un débat? Il est d'autant plus difficile de répondre à cette question que beaucoup de collectionneurs princiers potentiels furent plus ou moins engagés dans des guerres violentes avec Louis XIV, ainsi qu'en guerre de médailles. C'était le cas non seulement avec Guillaume III et les Pays-Bas, mais aussi avec des princes comme Louis-Guillaume des Bades et Charles de Escassel qui entendaient, et avec succès, de dépasser le jeu d'eau de Versailles dans son parc de Wilhelmshöhe. Des médailles sur la destruction de Heidelberg et de tombeau des électeurs se trouvent dans toutes les collections que nous avons visitées. Ici se pense la question de la manière dont se juxtaposait l'admiration et la récusation, la question des modes de mise en perspective d'une histoire partagée. En effet, les médailles et les livres furent admirés, comme le montre pour le mieux un grand numismate du XVIIIe siècle, Jean-David Köhler, qui remarquait en 1762, deux générations après la mort de Louis XIV. Je cite, « C'est le plus beau livre qui puisse exister dans le monde. » La situation de choses concernant les collections privées est la raison pour laquelle il fallait que nous nous bornions aux collections des médailles princières, ce qui fait d'une simple question. Vu les mi-feuilles impériales, déjà une tâche. Les problèmes sont les suivants. Les successions compliquées. Le dit rébrambrement de l'époque de Napoléon. La fin de la monarchie allemande en 1918. La catastrophe du régime entre 1933 et 1945, l'occupation soviétique, des tournements des médailles en combinaison avec des occultations inventées par un conservateur. Ces problèmes ont entraîné de lacunes dans les collections, mais surtout dans notre savoir dont la transmission est pour le plus souvent précaire ou rompue. Nos résultats lacunaires, surtout sur la problématique difficile de première acquisition, nous le présentons en étapes. 2 se réfère aux médailles et plus précisément à la précise des médailles de la série uniforme dans l'Empire et aux collections. Les parties 4 et 5 traitent de la diffusion des livres des médailles de Louis XIV dans l'Empire et pour ajouter une dimension comparatiste en Suisse. Et maintenant, M. Hengerer, s'il vous plaît. Merci. Voilà, entrons dans la partie 2. Merci de ma part aussi pour cette invitation gentille. Et vous voyez ici sur cette carte de l'Empire vers 1786, la distribution des séries uniformes dans les collections princières des Allemagnes, pour ainsi dire. Et vous avez, ça c'est la première vue, donc on entrera un peu en détail, mais pour une première vue, on voit très bien qu'il y a des suites presque complètes à Vienne, à Berlin, et une suite d'environ 160 pièces à Kassel, ce qui peut être surprenant. Et des suites entières à Munich, donc Bavière, Palatinat, Neubourg, et à Saxe, à Dresde. Et la troisième, aujourd'hui, elle est à Gotha, dans la Thuringe. Une quatrième, donc on n'est pas impérialiste anti-danois, mais le Danemark faisait le roi de Danemark était quand même prince de l'Empire. C'est pour ça qu'on a regardé aussi le Gottorf et le Danemark. Et probablement, il y avait aussi une collection à Gottorf, qui est maintenant probablement à Copenhague. Donc, ce sont les quatre ou trois séries en bronze. Et il y a aussi une série en étain, voire en plomb. La plus grande partie est en étain. Elle est dans le Bad à Karlsruhe. Voilà, il y a une très petite collection à Stuttgart. Donc c'est pour ça qu'il y a un signe qui est beaucoup plus petit. Voilà, c'est la première vue. Donc on entre maintenant un peu dans les différentes cours et puis un peu dans un essai d'analyse. Voilà. Donc pour Vienne, il semble que c'est assez clair. C'est quand même la ville impériale, la résidence de la plupart des empereurs de l'époque moderne. Et là, il y a cette série en argent qui est presque complète, quasiment complète. Et même, il y a beaucoup de variantes, de sorte qu'il y a plus de 30-20 médailles en argent à Vienne. Et le problème qui se pose toujours, et c'est pour ça qu'on a mis ça dans la première partie, la question des inventaires, surtout problématique à Vienne, donc on ne sait pas quand cette série est entrée dans la collection. Elle est dans un inventaire du 19e siècle et probablement, ce que nous pensons, elle a été acquise probablement, mais c'est juste une pensée bien fondée, mais pas prouvée, sous François-Étienne, donc au mi-18e siècle. Mais on ne sait pas, donc il n'y a pas de moyen de le savoir, puisqu'on payait ce type de médaille par la caisse secrète, donc pour éviter des rumeurs de crédit des nobles, etc., des vendeurs. Donc il n'y a pas de moyen de le savoir. Et donc quand même à Vienne, la médaille était quand même importante, mais surtout les monnaies. Donc, témoigne de cette appréciation de la médaille, un cabinet formidable et aussi une place forte de la représentation des médailles et des monnaies dans la représentation impériale, surtout après la crise l'extinction de la branche de Habsbourg en 1740 qui a été surjouée avec cette ligne de Lorraine. Voilà. Et à Vienne aussi, il y a toute une série de numismates assez fameux dans plusieurs de cultures françaises. Donc il y a des Lorrains, donc on ne sait pas trop ce que français ou non, donc, mais de culture française de toute façon. Donc il y a le fameux Héréos qui vient du Nord, mais après il y a donc Joseph de France et Valentin Jamarel Duval qui ont un parcours de culture française. Et après, à la fin du XVIIIe siècle, il commence à y avoir surtout des abbés autrichiens qui s'occupent de ce cabinet de médailles. Qui font, donc il y a ici le portrait de Duval, assez fameux, voilà, avec l'empereur qui tient des médailles, qui se fait peindre assez souvent dans ces situations-là. Mais ce numismate, il publie pas de livres sur les médailles, mais sur les monnaies seulement. Et une œuvre pas mal critiquée au XVIIIe siècle. Bon, ça c'est pour Vienne. Si on entre plus dans le détail, on va pas finir aujourd'hui. à Berlin, donc on a mis l'état actuel du château, pour vous donner aussi toujours une carte où est-ce que c'est Berlin et qu'est-ce que c'est la Prusse à l'époque. Là aussi, on a trouvé une série argent presque complète, il manque quelques pièces vers 1800, mais dans les guerres napoléennes, on a essayé de sauver la collection, et lors de cet essai de sauvetage, on a perdu ou été volé un baril avec la moitié de la collection, ce qui fait que depuis 1806, on n'a que la moitié à Berlin, mais dans les archives, c'est assez clair et c'est absolument bien prouvé qu'à l'époque, il y avait une série entière. Mais cette série ne vient probablement pas de Berlin, mais de Ansbach, ce qui était une branche latérale de la maison, et vous la voyez un peu au sud, hein, je vais montrer plus tard. Voilà, c'est de cette région-là qui était acquise par la branche supérieure des Hohenzollern, qu'ils ont tout simplement acheté la possession de cette branche latérale à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont après fait transporter leur collection à Berlin. Ce qui n'exclut pas quand même que c'est possible qu'il y avait avant une série probablement de bronze. Mais on ne l'a pas trouvé dans les inventaires de Berlin. Donc on l'a longuement cherché, mais elle n'y figurait pas. Voilà, ça c'est la situation de Berlin. Là aussi, il y avait un très somptueux cabinet de médailles, plusieurs fois publié déjà à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, donc aussi une grande importance pour la médaille dans la représentation princière. Voilà, pour vous donner une idée de millefeuille ansbachien, donc je vous ai mis une carte. Donc Bayreuth-Ansbach, c'est une principauté assez difficile avec des droits féodaux très très compliqués. Donc, mais c'est quand même une principauté assez riche, pour ainsi dire, dans les alentours de Nuremberg. Donc on avait là une branche très très douée aux lumières. Donc et ça, je vous donne ici une vieille photographie de la bibliothèque d'où probablement sortait cette collection. Mais on sait pas, on n'est pas sûr, voilà, là-dessus. Mais on est sûr que ça venait de Ansbach. Voilà. Le Hesse-Cassel, aujourd'hui, c'est presque oublié parce que c'est au 19e siècle, ils ont lutté contre les Prussiens et les Prussiens les ont annectés après la guerre dite allemande, donc 1866. Donc ils étaient annectés. C'est pour ça que le Cassel est un peu oublié aujourd'hui. Mais au 18e siècle, aussi déjà au 16e siècle, c'était une principauté très très importante pour la réforme, pour le calvinisme, pour la guerre de 30 ans, et aussi pour les Lumières, et aussi pour les guerres de l'indépendance américaine, etc. Donc les princes de Hesse-Cassel, ils vendaient ou louaient quasiment leurs sujets comme soldats, et ils étaient pour cela assez riches. Et ils pouvaient bien financer tout cela, donc c'est vraiment merveilleux. Avant la guerre deuxième mondiale, c'était une merveille, cette ville. Après, bon, donc on a gardé ce qu'on voit sur le tableau là. Et là, il y avait par une branche latérale une partie de la collection, environ 160 pièces, dans une perspective de collectionneur et d'achat consécutif. Donc on essayait d'augmenter cette série de 160. Ce n'est pas ce qui a été volé à Berlin. Donc on a contrôlé si c'était peut-être le baril qui a trouvé son chemin vers Cassel. Ce n'est pas le cas. Donc, mais là aussi, c'était probablement acheté par une branche latérale, assez souvent le cas, comme on verra. Mais dans les années, à la fin du XVIIIe siècle, donc ces branches latérales, les branches se sont réunifiées, et donc c'est venu à Cassel. Voilà. Donc, et à Cassel, c'est assez. On voit que les détails sont très très difficiles. À Cassel, en même temps, il y a trois cabinets de médailles. Le personnel privé, le princier et aussi déjà le cabinet de médailles dans le musée, qui est le premier musée public en Allemagne. Donc, et le prince fait vraiment tourner les médailles. Quand il veut avoir des médailles en or, des portraits, il les fait venir. Après quelques mois, il les renvoie. Et là. Donc il y a des médailles qui circulent, et des monnaies qui circulent entre les différentes collections dans une même ville. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est aussi peut-être une raison pourquoi c'est tellement difficile de trouver des pièces dans les inventaires, même s'ils sont dans la ville. Voilà. En Bavière, on a la situation un peu compliquée qu'à la fin du XVIIIe siècle, trois lignes s'unifient, qu'ils étaient longuement séparés. Donc la Bavière traditionnelle, où il y a l'assistation de la fête de la bière, là qui est au sud-est, mais aussi il y avait le Palatinat, avec un autre électeur, le huitième électeur, après la guerre de 30 ans. Avant, c'était il avait un autre nombre. Et aussi au nord, donc dans la région de Düsseldorf, il y avait aussi une partie de cette principauté, tous des branches de la lignée de Wittelsbach. Mais à la fin du 1767, ils étaient quasiment réunifiés par extinction de quelques lignes. Et donc venaient les collections à Munich, et probablement ils furent synthétisés. Donc il y a probablement, très probablement, les pièces le montrent ou semblent le montrer, différentes séries en bronze qu'ils étaient réunifiés. Est-ce qu'on a fait des doublettes? On ne sait pas. Mais il y a là au moins une série en bronze entière. Ce qui est aussi le cas avec le saxe, mais là on a l'impression que c'était une série d'une seule production. Donc il n'y a pas de grande distinction dans les patines des pièces. Et c'était quand même une principauté assez riche en raison des mines d'argent. Donc le saxe était assez riche. Donc une série aussi, c'était aussi des électeurs. Mais là aussi, on ne sait pas quand arrivait cette série. On a trouvé dans les sources la série de Louis XV, mais pas celle de Louis XIV. Donc c'est la première fois qu'on l'a pu trouver dans un inventaire du XIXe siècle. Ce qui est vraiment passionnant, c'était le cas de Gotha. Donc on était dans ce château, on va vous montrer même les chambres. Et là, on a trouvé dans cette toute petite principauté. Voilà. Et là, il y a une des séries les plus belles des pièces, et aussi une grande série royale en argent, une pièce merveilleuse. Et voilà, on s'est quand même posé la question, pourquoi cette série à Gotha? Et voilà, il faut dire même que c'est la principauté d'où ça venait, c'était encore plus petit. C'était la dynastie Schwarzburg-Sonderhausen-Arnstadt, qui est un peu à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a les signes en jaune là. Donc c'est pour vous donner un peu l'impression comme c'est petit. Et mais le château est assez grand, c'est 3 fois 112 mètres. Donc c'est l'Escorial luthérien. Voilà, c'est l'état modèle de la théorie d'état luthérien du XVIIe et début XVIIIe siècle, ce château au sud. Et là, une série complète en bronze. Et acquise, on sait exactement parce que ce petit prince devait vendre sa collection parce qu'il était totalement surendetté, parce qu'il voulait accéder au rang de princier, ce que ne toléraient pas ses parents. Voilà, il allait à la guerre pour être prince, donc il a perdu. Voilà le cabinet qui a été restauré, bien sûr, mais qui montre assez bien comme c'était dans ce château. Et on a là, donc c'est voilà, il y a là le cabinet de médailles. Et ça, c'est le médaillé où il y avait probablement les médailles françaises. Mais les tablards, ils étaient tirés donc, et détruits après la guerre mondiale. Donc c'est lors du saccage du château à la fin de la guerre deuxième mondiale. Donc on sait, même si on sait où était quel médaillé, on ne sait pas ce qui était vraiment dedans parce que les tabliers, ils étaient cassés. Et voilà, pas restaurés jusqu'au moment. Il y a quelques qui sont intacts, mais ce sont seulement les Romains dont on sait la situation intérieure. Mais c'est quand même assez beau. Et voilà. Et à Karlsruhe, dans le Bade, à la quasiment frontière française, il y a aussi une très belle collection, mais dont on sait encore une fois pas de quand elle date, une série entière en étain qui est très très belle, très bien faite, et quelques exemplaires en plomb, des exemplaires, une trentaine environ, en bronze et en argent. Et avec cette fois-ci, donc à partir de la série uniforme, bien sûr, mais les pièces individuelles, ils ont un vrai concept. Donc il y a là une stratégie, ce qui est l'histoire du margrave Louis Guillaume et de la région. Donc on a un choix des pièces assez clair. Et voilà, c'est maintenant le dernier de nos cas. Donc c'est la situation du Schleswig-Holstein, d'où je viens. C'est un peu de d'amour pour ce pays très très plat qui m'a fait donner cette carte pour vous montrer un peu le millefeuille de cette région qui est aussi compliqué que le millefeuille impérial. Et là, il y avait, vous voyez le signe bleu, il y avait cette résidence dans la partie douanoise du Schleswig-Holstein qui est par contrat depuis le Moyen-Âge indivisible. Donc les États des deux parties des pays avaient fait un accord avec le roi du Danemark qu'on ne partagerait jamais ces deux duchés, et ce qui fait que le Schleswig-Holstein est une combinaison, un État, quasiment un État étatique, qui fait partie de l'Empire et du Danemark, et qui est régné ensemble par une branche latérale. Et dans malheureusement, cette branche latérale a commencé à faire de la politique contre la branche supérieure, de sorte qu'on a le roi de Danemark a poussé les princes qui régnaient de Schleswig-Holstein-Gottorp d'ici à Kiel. Et voilà. Mais la collection restait là jusqu'au 1750 environ, et puis on l'a probablement portée sur les îles, la grande île. Voilà, ça c'est la situation qu'on a pu trouver. On a bien sûr écrit et téléphoné avec tous les autres cabinets de médailles, donc c'était un travail. Donc là où on n'a pas vous montré, il n'y avait pas de pièces probablement. Pour l'analyse, donc on voit très bien que ceux qui possèdent les séries entières, ce sont tous des princes électeurs séculiers de l'Empire, les électeurs traditionnels. Donc tous ceux qui étaient électeurs par la bulle d'or, ils avaient une très belle et grande série. Et il y avait encore d'autres qui sont devenus électeurs dans les 17e, 18e siècle. Ils ont tous aussi, sauf le cas de Londres, dont on ne sait pas où est-ce que... Donc Georges III était déjà né à Londres, donc on ne sait pas s'il a déjà établi la collection à Londres, mais il semble qu'à Hanovre, il n'y avait pas de cette série. Donc c'est la seule exception quasiment de cette règle des princes électeurs, mais il était déjà roi de Grande-Bretagne, donc c'est aussi une spécificité. Et tous ceux qui devenaient électeurs à la fin de l'Empire avaient aussi une telle collection. Dans ceux qui possèdent l'argent, on voit quand même qu'ils ont tous accédé au rang des rois, quand même. Donc c'est pour ça que c'est assez peu connu que quasiment tous ces électeurs étaient devenus rois au XVIIIe siècle. Donc roi de Pologne, roi de Suède ou roi de Grande-Bretagne. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ces colonnes-là, pour vous montrer que ces princes allemands aspiraient quand même non seulement à l'électorat, c'est le cas pour le Ansbach et aussi pour Rudolstadt, mais aussi voulaient accéder au rang de roi. Et voilà, ça entre dans une certaine logique de légitimation princière, de bien avoir établi un cabinet. Voilà. Une deuxième stratégie, quasi-stratégie qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des orientations positives dans les collections, ce qui est surtout, donc il y a là des doublons en argent, en bronze, etc. Donc il y a beaucoup de pièces. Si ce concerne le mariage dynastique et les enfants, la naissance des enfants et les avènements. Donc Philippe, comme roi d'Espagne, il est souvent là, mais surtout les mariages et les naissances. Là, on a très souvent, on a beaucoup de collections, des pièces, 2, 3, 4 pièces même, et aussi des pièces dans les métaux plus précieux. De l'autre côté, on a une désorientation négative. Donc, il y a une médaille, surtout 314, Divo 314, qui était évidemment pas du tout populaire chez les princes. On les a évidemment écartés de toutes ces collections, sauf une seule, et c'est Liberatori Pacifico. Donc, il semble qu'on n'aimait pas trop cette interprétation de la paix. Donc, c'était évidemment pas dans le goût des princes allemands de mettre ça dans leur collection. Donc, il semble que ça a été une offense, cette pièce. Et la Régence aussi, elle ne fait souvent pas partie de la série. Donc, il semble qu'on l'a mis sous le nom du Régent, mais là aussi, on a cherché sous leur nom, sous le nom du Régent, mais elle n'était souvent pas là. Donc, c'est deux qui manquent quasiment systématiquement. Presque systématiquement. Quand on, voilà, ça, c'est pour la situation de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Maintenant, on voulait quand même un peu voir dans quel contexte il y a ces médailles. Et donc, on a regardé aussi un peu ce qu'il y a de la série royale et des jetons, etc., pour voir un peu ce qu'il y a. Et on a constaté quand même que, d'abord, il y a ces pièces de la série royale quasiment partout, et dans des quantités d'environ 10, 5, dans les très pauvres, jusqu'à une trentaine, quarantaine de très, très belles pièces, surtout à Gotha, comme j'ai déjà dit, des pièces superbes, donc de très, très grandes collections françaises. Mais aussi, il y a toujours les médailles de moquerie dans chaque... Donc les critiques, les satiriques, il y a partout. Aussi, il y a des jetons, mais ça, c'est de plus varié. Donc surtout, on a souvent commencé à collectionner les jetons seulement au 19e siècle. Donc les jetons en argent, on les a tôt, les jetons en bronze, c'est rare en général. Et aussi, il y a des orientations des collections. Donc partout, la France n'est qu'une partie de la collection. Donc d'abord l'antique, d'abord, mais aussi, en plus, il y a des collections générales, comme le cas à Vienne, aussi un peu à Berlin, mais en général, les princes protestants collectionnent la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, aussi la Russe, elle est très présente. Donc il y a une vision nord des médailles, de collection. Voilà, et la France est une partie, mais pas, en général, pas la partie la plus brillante dans les collections. Et comme je l'ai déjà dit, il y a des stratégies seulement pour dans le choix dans les séries à Karlsruhe, donc région, et à Stuttgart, ce qui est très peu de médailles, ce sont que des médailles de paix, ce qu'on a collectionné à Stuttgart. Voilà. Mais quand même, est-ce qu'on les a mis dans les collections? Est-ce qu'on les a mis côte à côte, chronologiquement, tablier, etc. Donc on a essayé de voir un peu comment c'était dans les collections. Et ce qu'on a trouvé là, que dans les collections en général, on faisait une certaine distinction entre les médailles officielles, d'abord, et puis on mettait dans d'autres catégories, donc sous autres chapitres, au moins dans les inventaires, les médailles satiriques ou ceux qui étaient un peu moins charmantes pour Louis XIV, donc ceux des victoires des princes allemands ou des princes espagnols, etc. Donc, par exemple, ici, on a mis Rheinfels dans la catégorie Obsidiones Solute, donc on a, dans les sièges. Aussi, à Berlin, on a mis les médailles de satiriques sur Louis XIV dans la catégorie Mnemosyna. Voilà, donc ce qui fait les choses qui sont à mémoriser. Et là aussi, il y a les très fameuses médailles satiriques. Donc, on a fait un tri. Donc, on est probablement pas aussi dans les médailles, pas à côté, donc, mais à part. Et aussi, c'est le même cas à Kassel. Et là aussi, il y a dans un tiroir, le troisième tiroir, là, le premier tiroir, c'est les médailles françaises officielles. Et dans le troisième tiroir, tout en bas, il y a les médailles satiriques. Donc, on les sépare quand même. Il y a le belle image et à la fin, on s'amuse. Voilà. Et il y a d'autres systèmes de collection. Par exemple, à Kassel, où il y a une structure thématique stricte, où on a séparé aussi la donc là, c'est le seul cas où on a trouvé la suite Louis XIV séparée dans les différentes catégories. Par exemple, les médailles de guerre, 79, mais aussi naissance, deuil, etc. Et là, partout dans les sept différentes catégories, on a pu identifier les pièces de la série uniforme. Mais évidemment, là, avec les autres guerres, donc il y a Guillaume III à côté de Louis XIV, par exemple. Le plus intéressant pour nous, c'était le cas de Gotha, où il y a un chapitre sur les médailles officielles de Louis XIV, et tout cela avec leurs inscriptions, etc., avec leur poids. Et après, il y a un chapitre qui s'appelle Numismata Famosa, donc les médailles fameuses. Et là, il y a toutes les critiques. Donc, il y a la version officielle, et on tourne la page, il y a la version critique. Voilà. Donc, c'était assez intéressant, mais difficile à voir. Donc, ça, c'est un tablier danois à Copenhague aujourd'hui. Et là aussi, la série uniforme est ensemble, une après l'autre. Mais toutes les autres, on les a mis sur un tablard. Il y en a tous ensemble. Donc, les médailles critiques et les médailles officielles, même en or, mais aussi ceux qui ont été pris pour la série et ceux qui ont rejeté de la série. Voilà, et quand même, on a collectionné quand même, même s'il y avait les médailles satiriques, il n'y avait, je dirais, ni culte de Louis XIV, ni dénigrement de Louis XIV dans les collections. Donc, à Kassel, par exemple, il y avait Henri IV, mais s'il y avait l'épée d'un maréchal français qui devait rendre après une capitulation. Mais à côté, il y a cette médaille belle de Louis XIV, mais à côté, il y avait aussi une médaille qui célèbre la reine Anne. Donc, il y avait tous ensemble. À la fin du XVIIIe siècle, Louis XIV devient une figure historique. Et donc, on la prend dans toutes ses facettes, pour ainsi dire. Voilà, ça, c'était la première partie, la diffusion des médailles. Maintenant, les livres. Et là aussi, en Allemagne, maintenant 13 900 bibliothèques. Et les catalogues dont on a pu profiter nous donnent accès à environ 60 000 millions de livres. Et voilà, c'est ce qu'on a pu faire. Et en plus, il y avait une grande correspondance qu'on a fait avec tous les cabinets, toutes les collections spéciales pour voir s'il y avait des livres non catalogisés qui n'étaient pas dans ces grands catalogues. Donc, on dirait qu'on a fait ce qu'on peut faire raisonnablement. On pourrait vraiment passer toute sa vie pour aller dans ces 13 900 bibliothèques, mais on n'a pas fait ça, pas encore. Voilà. Donc, et là aussi, la guerre a été terrible, il y a des ventes, etc. Donc il y a toute la question de la tradition, c'est presque très très peu sur les provenances, etc. Donc c'est là aussi ça, c'est l'état actuel. On a essayé de trouver des ex-libris, etc. Donc voilà, c'est quand même problématique. Juste ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la répartition. Donc on voit quand même que Ménétrier, je comprends pourquoi est-ce qu'on n'a pas une circonflexe. Bon, mais Ménétrier, voilà, j'exige les éclaircissements là-dessus. Mais bon, Ménétrier, c'est quand même une tiers partie de ce qu'il y a en Allemagne dans les livres de médailles, dans les différentes éditions. Et ensemble, c'est environ 1062 pièces pour ce fichier-là. Donc maintenant, on est un peu plus élevé déjà. Voilà, c'est quand même étonnant ce qu'on pense. Il y a la deuxième partie, c'est très systématique, aussi environ 30%, 32%, ce sont les traductions allemandes de trois éditions, donc de Frey et de Baldinger, de 1704 et 1705, donc environ 50 livres. Et l'autre troisième partie, ce sont les livres officiels, les médailles de 1702. Et là, dedans, il y a trois quarts du volume en quarto. Un quart, c'est le volume in folio. Mais ensemble, même avec le volume de 1723, c'est un tiers. Moi, c'est ce que nous avons très, très, c'est très, très intéressant. Si vous voulez entrer dans les détails, on les a mis ici. Mais on voit très bien que les éditions les plus répandues, ce sont les Ménétriers de 1691 et les médailles in quarto et la traduction de Baldinger de 1705. Ce sont les éditions les plus répandues dans l'Empire. On a mis ici la Suisse pour un peu voir si c'est beaucoup ou peu, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est peu ou beaucoup dans ces questions. Il n'y a pas de mesure pour ces questions-là, pas encore. Là, on a préparé, si vous voulez entrer là-dedans, une carte dans laquelle on peut entrer, mais la distribution régionale, elle est un peu comme se voit ici. C'est très dense dans les cantons suisses, et pour le reste, c'est pas si dense, mais pas si mal non plus. Donc, il y a quasiment toutes les grandes résidences, mais aussi beaucoup de petites résidences. Il y a les villes impériales et aussi des monastères, des grands monastères. Là, c'est la distribution régionale de Ménétrier. Elle met là aussi, on ne sait pas vraiment, pas trop, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de mesure de densité, donc il faudrait travailler avec des géographes. La version in folio, évidemment, c'est assez rare et c'est très concentré dans les grandes, dans les résidences princières ou dans les grandes villes d'université ou de grands marchés de livres, par exemple à Leipzig. Tandis que le gros quart, le livre in quart, est beaucoup plus répandu aussi dans les petites villes, un peu qu'on ne connaît pas trop, mais très très répandu en Suisse, comme on voit ici. Et le Baldinger et Frey, on voit aussi que c'est plus répandu encore, et aussi de nouvelles villes, mais aussi de villes où il y a plusieurs exemplaires. Et le nord-ouest, ça se voit assez clairement, il n'y a pas beaucoup de réception là, mais au sud, et surtout dans les résidences de Thuringe et de Berlin, ça c'est assez fort. Et voilà, ça c'est l'édition de 1723. En Allemagne, les grandes résidences, en Suisse, oui, chaque canton a son exemplaire. Voilà, et ça c'est tous ensemble, donc il y a c'est à part de cette fichier, donc on peut vous montrer après. Et là, ce sont tous ensemble, avec des chevauchements. Et on voit là qu'il y a quand même des États comme Bavière où on pense, bon, c'est seulement à Munich, c'est ce que c'est là. Mais si on voit un peu en détail, on voit que les États qui ont conquis beaucoup de territoires, comme la Bavière, la Prusse et le Württemberg, ils ont médiatisé les entités ecclésiastiques, ils ont rassemblé les exemplaires des monastères, des petites entités politiques qu'ils ont quasiment digérées eux-mêmes. Donc il y a dans les grandes résidences, il y a beaucoup de volumes à Munich, plus de 20. Voilà, c'est quand même intéressant. Et on a trouvé quand même quelques propriétaires. Donc ça, on va vite vous montrer quelques-uns avec les ex-libs. Voilà ce qui est publié chez Buck. Donc c'est assez fameux. Mais on n'a pas trouvé le livre dans l'acte de décès, dans son inventaire après décès. On ne l'a pas trouvé. Voilà. Donc On ne sait pas si c'était juste pour représentation ou il possédait. Donc il semble qu'il a peut-être donné comme cadeau avant son décès l'exemplaire de ce envoyé. Et après, il y a les versions in folio, le 2002, il y a un prince, une margravine de Brandenburg-Ansbach. Il y avait l'électeur Charles Théodore de Bavière, aussi du Palatinat. Et lui a posé son propre super ex libris. Voilà, il y a le duc de Württemberg qui aussi possède. Voilà, ce sont toujours leurs exemplaires qu'on a donnés ici, qui est aussi probablement acheté à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Il était à Paris. Voilà. Là, on a trouvé un exemplaire qui est très intéressant, qui a été évidemment offert à Versailles même, à un prélat, mais qui est maintenant à Vienne. On ne sait pas comment. On l'a pas. J'ai regardé ce qu'a fait le roi ce jour, mais il n'était pas mentionné ce prélat. Il y a un prince Eugène de Savoie avait un exemplaire. Il y avait un ami de Frédéric II de Prusse qui avait un exemplaire. Un ministre et diplomate danois, mais de Schleswig-Holstein, qui avait deux exemplaires en filolio. Il y avait un Suisse, ça c'est intéressant parce que via Suisse vient la traduction, et aussi probablement des exemplaires, un exemplaire qui était avant, au début à Paris, et qui a fait son chemin par amitié ou peut-être par parentélage au Soleur, donc au Solothurn. Et donc il y a toute une suite ex libris là-dedans. Et au nord, il y a des ministres, un ministre fonctionnaire à Hanovre qui possède les deux, le grand et le petit de 1702. Il y a un ministre autrichien à Bruxelles qui en possède un exemplaire. Il y a le roi du Danemark. Maintenant, on fait un peu le. Ils avaient déjà les rois, ils avaient déjà un grand exemplaire, mais celui-là, il a mis son ex libris sur le volume. C'est un roi danois. Il y avait des princes, il y a des princes allemands de. Pas trop grande envergure, on pourrait ainsi dire, c'est pas une grande principauté, mais aussi il y a là des numismates qui travaillent eux-mêmes, qui ont des collections, et des bourgeois, donc aussi des serviteurs qui quasiment travaillaient à la cour de France, mais qui entrent donc dans les collections de langue allemande. Et voilà, il y a dans les exemplaires quarto, il y a des propriétaires qui sont des historiens, des numismates, des fonctionnaires, donc même pas de grande noblesse. Et ici, c'est un exemplaire très intéressant puisqu'il a été possédé par un médecin du tsar, mais avant par un ministre même de guerre au nord. Et puis il y a des exemplaires, surtout au XIXe siècle, des numismates qui enfin faisaient don aux collections. Voilà, il y a plusieurs numismates qui possédaient des exemplaires. Un prince dans la famille aujourd'hui ne sait même pas s'il faisait vraiment partie de la famille, exemplaire le grand exemplaire. Il y avait un prisonnier de guerre, un prince allemand à Paris, qui a acheté un ménestrier probablement. Il y a les grandes entités ecclésiastiques qui possédaient surtout le ménestrier, moins les autres, et des simples nobles qui étaient intéressés dans les médailles, surtout au XIXe, mais qui publiaient aussi des livres sur la numismatique. Donc c'est très bien placé, le livre est très bien placé dans les collections privées des numismates du XIXe siècle. Voilà, et là, il y a la traduction de Baldinger, et puisque vous ne connaissez peut-être pas tous, voilà, on a donné un peu plus d'images là-dessus. Donc c'était d'abord fait à Schaffhausen, ce qui était une ville près de Bâle, assez près de Bâle, Constance, Bâle. Mais le monsieur vendait assez vite ce projet à un autre imprimeur qui résidait à Bade, en Suisse. Bade en Suisse, c'est assez proche, c'est la ville où il y avait les diètes fédérales, de sorte qu'il y avait aussi assez proche le résident français en Suisse, dans les cantons suisses. Et c'était un climat assez francophone, d'abord francophone et francophile. Et c'était là, en Suisse, qu'on a produit cette traduction allemande à partir du volume in quarto. Donc on a commencé à essayer de voir s'il y a une stratégie de traduction, une stratégie politique, de nuance, etc. Mais c'est des traductions absolument correctes. Donc on n'a pas trouvé une seule nuance politique pour dénigrer ou glorifier n'importe qui. Donc c'était Il y avait des recensions qui disaient dans le journal Les Savants que c'était une œuvre très bien faite et que la traduction était absolument correcte et fidèle à l'original, et qu'on est persuadé que les Français verront avec satisfaction l'estime qu'on fait dans les pays étrangers de cet excellent ouvrage. Voilà, c'est ce que Wallaire. Et pour les propriétaires, c'était un peu moins. Dans la grande noblesse, c'était moins répandu. Mais on a trouvé des ministres d'affaires de Danemark. Mais il était de Braunschweig d'origine, des numismates. Il possède aussi un livre de 1702. Et voilà, des numismates et des banquiers du 19e siècle. Et des petits historiens qui publiaient un ou deux livres. Voilà, ce sont cette galerie des propriétaires qu'on a pu identifier par leur ex libris. Ce n'est pas beaucoup, comme on voit. Donc, pour presque finir, on trouve le livre dans le discours numismate allemand. C'est très présent, et c'est même l'encyclopédie la plus importante du 18e siècle dans la langue allemande. C'est le fameux Zedler, en plus de 60 volumes. Et là, voilà, c'est l'œuvre de référence pour le genre de livre de médailles. Donc, c'est Bücher voll zusammen. Donc, on a fait tant de livres avec des séries des histoires médailles, comme on voit dans l'histoire de Louis XIV et celle de Guillaume III. Donc, on voit toujours des deux, ou même plus. Et il y a cette citation qu'on avait déjà donnée. C'était un numismate quasiment professionnel, donc il était professeur, mais il était vraiment un grand connaisseur qui décrivait un peu la procédure de production de ces livres, comme c'était coûteux, comme c'était beaucoup de génie, l'académie là-dedans. Il écrit tout clairement que c'est le plus beau livre que puisse être dans le monde. Donc c'est la fin, déjà 1762. Voilà, il publiait un périodique numismate chaque semaine. Il y avait quelques pages, et là-dedans, il y a l'histoire de Louis XIV. Là-dedans, dans deux variantes, il y a d'abord une discussion très en détail, donc c'est environ 8 pages toujours, et dans ce moment imprimé, ces pages avec des sources sur les statuts de l'Académie, des sources sur les ports. Donc c'est vraiment un travail historique de sans Google, etc., sans prêtre interuniversitaire de librairie. C'est un vrai travail d'analyse historique, surtout sur certaines pièces. Et il présente toutes les autres pièces d'une façon assez brève, comme on voit ici. Donc, voilà, on voit ici une copie de la page brève. Donc, en bas, on voit ce qu'il fait en général pour toutes les pièces de la série. Donc, c'est assez court. Mais de temps en temps, il y a des commentaires assez plus longs. De temps en temps, c'est une histoire historique. Ici, il critique le manque de génie pour la présentation de Victoire. Il dit, on n'avait pas vraiment du génie. Là, elle est debout, la Victoire. Elle est en marche, assise, volante, charriante, chevauchante. Il manquait un peu de génie. Donc voilà, et ce qui ne trique pas, c'est la guerre. Non, il n'y a pas de critique de guerre là-dedans, mais c'est une critique esthétique. Voilà, pas assez de génie pour ce volume de Victoire. Les pièces qu'il discute en détail, ils sont non plus le roi de guerre, mais plutôt le roi d'infrastructures. Et voilà, l'édit de Fontainebleau, on a discuté pourquoi il commence avec ça, donc c'est pas très clair. Mais tout le reste, c'est des choses qu'on a plutôt estimées dans l'Empire, donc Académie, Invalide, Devise du roi Port de Rochefort, voilà, des choses comme ça. Avec des copies qui sont pas de très grande qualité, mais qui suffisent bien pour s'orienter, pour voir ce que c'était. Voilà, et maintenant il y a la conclusion. Merci. Mesdames, Messieurs, voici le bilan et les perspectives. Louis XIV était un roi hors pair, aussi et surtout dans le degré d'enrichissement, dans la propagation de sa gloire et à travers l'art de la médaille et de l'imprimé. Tous les deux, médailles et livres, furent recherchés. Dans l'Empire germanique, on connaissait les médailles de Louis XIV, les pièces et leur représentation dans les livres fameux. La série uniforme entrait dans les collections princières du XVIIIe siècle, dans les cours des électeurs séculiers qui, nous l'avons vu, avaient porté presque tous des couronnes. La suite se trouvait aussi dans la collection de Schwarzburg-Arnstadt et de Ansbach, maison d'ambition princière et de famille royale. Si on veut généraliser, Les grands princes séculiers de l'Empire avaient la série uniforme dans leur collection, dont la qualité fut un ingrédient de leur propre renommée. D'autres princes, princes de Bade et de Württemberg, en avaient des médailles par thématique. D'autres encore n'étaient pas intéressés, même de princes qui avaient vécu et de leur propre gré à la cour de Louis XIV, comme c'est le cas de Christian Louis de Mecklembourg-Schwerin. Posséder la série uniforme ne faisait donc pas partie du décorum princier de l'Empire. On peut imaginer que Louis XIV aurait souhaité un degré plus élevé de divulgation. Mais encore, pour ne connaissant pas ses pensées sur la distribution désirée dans l'Empire. Partout, la série uniforme se trouvait dans un contexte qui reflétait la production d'autres médailles de et sur Louis XIV. Des pièces de la série royale s'y trouvent partout. Partout se trouvent des médailles de moquerie ainsi que des médailles sur la gloire des autres princes. Toutes les collections donnaient une image, disons, diversifiée du grand roi, un roi qui lui aussi devenait partie de l'histoire. Les médailles, on le voit très clairement dans ce contexte de la collection étrangère, sont un média de réception difficilement calculable. En ce qui concerne le livre des médailles de Louis XIV, la situation est plus homogène. Même si nous n'avons pas pu consulter toutes les 13 900 bibliothèques allemandes, il est assez évident que Ménestrier était en plein succès, que la version moins chère du livre officiel était en plein succès, que la traduction allemande de Frey et Baldinger était en plein succès. Le volume prestigieux de 1702 et de 1723 se trouvait là où on pouvait les attendre, dans les cours très grands princes de l'Empire. Les cercles de récipients étaient donc considérables. Les livres se trouvaient non seulement dans les grands cours, mais aussi dans les petites résidences, dans le main des diplomates, des ministres, des médecins, des bibliothécaires, des simples nobles. Dans les discours numismatiques allemands du XVIIIe siècle, les livres et les médailles furent présentés et discutés avec admiration et les imitateurs identifiés. La grandeur de l'entreprise fut très bien comprise et franchement reconnue. Encore, le public n'était pas tout simplement accablé, mais sobre. On critiquait le côté propagandiste de quelques pièces, nommées de pièces esthétiquement douteuses, mais percevait et avouait clairement la qualité superbe du style et de l'ensemble. Concluons avec le mot de Johann David Köhler. Je cite. Je ne veux pas trop insister sur les insultes et le mépris pur des grands peuples européens, sur les fanfanteries déshonnêtes, sur l'orgueil insupportable, sur le dédain pour la vérité historique qui se montre dans l'appropriation non sincère de plusieurs victoires. Malgré tout cela, ces 318 médailles et leurs gravures avec leurs descriptions et explications historiques restent une œuvre à la fois magnifique et incomparable, une œuvre que seule la France puisse créer. Nous vous remercions pour votre attention.